sexe, 17 observations, forme masculine et féminine, révision et extension. Masculin, calme. Féminin, calme. Possible. Possible. Imbécile. Imbécile. Stupide. Stupide. Robuste. Robuste. Large. Large. Notez que ces formes masculines et féminines sont identiques du point de vue du son et du point de vue de l'orthographe.